cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fanwasul, insha'Allah ta'ala, fi al-qira'a fi hadihi al-risala al-mukhtasara lil-imam al-allama al-shaykh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahmatullah alayhi. Wa hiya al-durratu al-mukhtasara fi mahasini al-din al-islam. Et on est arrivé au dixième exemple. C'est une risala nafi'a jiddan. Il démontre avec des exemples, avec des points, les bienfaits de ce din. Et en hada din al-islami, il est fondé sur al-adl, al-rahma, al-haq. Donc c'est pour le bien de l'être humain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin. Étudie hada din, étudie les fondements de ce din. C'est muhim jiddan, khassatan fi hadhihi al-ayyam. لأن الكفار وأعداء الإسلام يكمبت هذا الدين إذا سي ليلا ونهارا de déformer et de faire du تشويش أي salir l'image de هذا الدين. فعلى طلبة العلم أن يجتهدوا في بيان الحقائق et de propager les fondements de ce دين. Hatta celui qui veut al-haq, fayajidu. Al-haq, il est wadih, il est zahir. Alihada, on a décidé de lire cette risala et on est arrivé, walillahi alhamd, au dixième point. Amma, le neuvième point, le dernier qu'on avait pris avant l'Eid, fa ma yata'alaq bil huquq. Al-huquq bayna al-khalq. Que ce soit les voisins, que ce soit les proches, les parents. Et on avait démontré un din al-islam à chacun. Il lui a donné son haq. Qala rahimahu Allah ta'ala al-mithal al-ashir. Le dixième exemple. Ma ja'ad bihi al-shari'a min intiqal al-mal wa al-tarikat ba'd al-mout wa kayfiyat tawzi' al-mal 'ala al-waratha. Et ça, c'est un point important. Et ça montre anna hadha ad-din il est complet. Ce sujet alladhi yahsul fihi نزاعات كثيرة وخلافات واسعة بين أفراد الأسرة أي tout ce qui est lié avec l'héritage. Ça cause beaucoup de problèmes et c'est la source de beaucoup de fitan et de division entre les membres d'une même famille, sauf ceux qui s'accrochent au Coran et à la Sunna. لأن الله عز وجل il a démontré في سورة النساء وفي غيرها كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان شافي في أو على هذا الأمر المهم أي الميراث. كذلك يقولون الإرث أي الغيتار. فالله سبحانه وتعالى il a démontré في كتابه الكريم chacun la part qu'il a أي son حق في هذا المال التركة أي ce que مثلا le père de famille l'a délaissé من أموال. Enfin, chacun, il a une part. Les enfants, ils ont une part. La femme de cet homme, elle a une part. Ses parents, ses frères, ses sœurs. Ça dépend du nombre. Et ça dépend du contexte de beaucoup de choses. Et il y a une qisma, elle est précise et claire. Et un partage de ses biens aux proches de cette personne qui est morte. Et chacun, il a son haq. Bien sûr, on ne va pas détailler nous ce qui est lié à l'mirath. Ça, c'est des durus dans le fiqh. Et c'est un sujet important. Les ulama ont allafou fi, qadiman wa hadithan, des livres fi hada, pour savoir combien chaque membre de la famille il doit prendre de ce mal. Nous, on ne va pas détailler hada. Nous, le but, c'est de démontrer un din al-islam, ce point, il a donné à chaque membre de la famille son haq. Et on précise un hada al-mirath, c'est les musulmans faqat. Comme dans le hadith Usama ibn Zayd, radiyallahu ta'ala anhu, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yarithu al-muslimu al-kafira wa al-kafiru al-muslim. Le haq fi hada, ay fi al-ith, c'est les musulmans. Amma, si ce parent qui est décédé, c'est pas un musulman, voilà. Si ce parent c'est un musulman qui est mort et cet enfant c'est pas un musulman, فلا يرث. قال الشيخ سعدي رحمه الله عليه ما جاءت به الشريعه من انتقال المال والتركات بعد الموت وكيفيه توزيع المال على الورثه. Ce point important, كيفيه توزيع المال على الورثه, tout ça c'est expliqué dans les textes. فالحذر من الظلم والحذر من الهوى في هذا الباب وفي غيره, لكن في هذا الباب أكثر. بوركوا؟ لأن تعلمون أن الإنسان يفتن بالمال كثيرا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. شاك كوميونيتي على إن فتنة إلى فتنة دو سيت كوميونيتي دو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سي المال. فلهذا بعض الناس يديباس لي ليميت في هذا اي سوتوريز دي شوز كي سون انترديت اي يفون دي ديدكسيون qui sont fondés sur rien, à part tam' et hubb al-mal. Nous, en tant que muslimoun, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a détaillé cette mas'ala, فالواجب على الجميع, c'est de revenir au texte, في هذا وفي غيره. قال الشيخ سعدي وقد أشار تعالى إلى حكمة ذلك بقوله تعالى لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. Ça, ça nous montre أن القسمة أي سبقتاج سبقابور التكست القرآن والسنة, لأن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. الله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون, كما قال جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. ربما تبنس que cette personne elle mérite plus et en fait une autre elle a plus de droit dans ce mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce bachar et qui lui a donné ce mal, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam qui c'est qui mérite telle part ou telle part. Qala fa wada'aha Allah bi nafsihi bi hasbi ma ya'lamuhu min qurb an-naf' wa ma yuhibbu al-'abd 'adatan an yasil ilayhi malahu aw maluhu wa ma huwa awla bi barrihi wa fadlihi murattaban dhalik tartiban tashhad العقول الصحيحة بحسنه أو بحسنه. Celui qui est sincère et objectif, si il étudie cette مسألة, أي ما يتعلق بالإرث الميراث, أي سأpercevra أن الترتيب il est جيد, il est حسن. لماذا؟ لأن الله عز وجل c'est lui qui a décidé de donner à tel membre telle part et à un autre telle part. Et Allah سبحانه وتعالى c'est العليم, c'est الخبير. كذلك c'est الحق. ولا يظلم ربك احدا. فشكل avec cette qisma qui cité fi sourate an-nisa كذلك dans des autres textes, chacun il aura son haq. Celui qui sort de ce texte et il veut faire de lui-même, il sera injuste. ولا بد. لماذا؟ لان il est limité dans ses connaissances, il est limité dans lui-même. C'est un bachar, c'est un abd, il est ضعيف. Donc revenir au texte, c'est muhim. قال وأنه لو وكل الأمر إلى آراء الناس وأهوائهم وإراداتهم لحصل بسبب ذلك من الخلل والاختلال وزوال الانتظام وسوء الاختيار ما يشبه الفوضى. إسا في الحقيقة في الميراث وفي غيره. celui qui délaisse les textes pour son avis en suivant ses passions, ou il veut que sa volonté elle soit appliquée, ou son avis, ce qu'il pense, ça cause al-khalal ou al-ikhtila ou al-zawal al-intidam. Et les choses elles seront plus à leur place. Thumma la division, thumma la rancœur, thumma beaucoup de fitan que tu vois actuellement, que ce soit fi hadha al-mas'ala ou fi ghayriha, ces fitan. La cause, c'est le fait de s'être écarté de le Coran ou le Sunnah et de fahm ahl al-ilm. Dans tous les sujets. لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Celui qui s'écarte de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit في الميراث أو في غيره, c'est une cause de fitna et de adab. لأن الله عز وجل سي العليم كما تقدم, et c'est lui qui a qui a mis ou qui a décidé de que ça soit fait le mérat ou fait de certaines choses, on est obligé de se soumettre en tant que musulman. Celui qui délaisse hada, ben, ça causera la division. Ça te montre, hada, on a la cause. Toutes les divisions que tu vois, hein, la cause principale, c'est délaisser les textes, Al-Qur'an ou Sunnah. Amma, ce sujet important, Al-Miraf, يقول الله عز وجل, on détaille certains points avant de passer à la deuxième partie. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم للرجال نصيب مما ترك الوالد والأقرب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا. Cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat al-Nisa, avant de citer, avant de démontrer al-qisma bit-tafsil, avant de démontrer le partage détaillé, et le garçon, la fille, le père, la mère, les frères, les sœurs, oncles, tantes, etc., et chacun, c'est combien sa part dans ce même, la tarika, que le père il a laissé, mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ce verset. Les hommes, ils ont une part dans ce même que ce père il a laissé ou l'aqraboun ou un proche. Donc la femme, elle a une part. Que ce mal soit, que ce soit beaucoup de mal, une somme importante, ou mal qalil. Chacun il a sa part. نصيبا مفروضا. Ça te montre que هذا النصيب, ce partage, Allah subhanahu wa ta'ala farada. Pourquoi? من الحكم, c'est pour éviter les fitan. Il y en a, cette famille, c'est tous des musulmans. Ils aiment tous Allah et son messager. Ils doivent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, al Quran ou Sunnah. Hatta ça évite les fitan. لأن كما قال الشيخ سعدي, si on délaisse هذا, c'est une cause de division. On achète. Cet homme, ce fils, il va dire je veux tant. La fille, elle va dire laquelle moi je veux tant, je préfère hada. Et ça fait des fitan. Lakin hada nasib al-mafroud min Allah azza wa jal, ça éteint toute polémique et toute fitna. Pour ceux qui veulent revenir au Coran et à la Sunna. Qala l'imam Ibn Kathir rahmatullah alayhi, fi tafsir, ay عند الآية, qala Sa'id ibn Jubayr rahimahullah wa Qatada, Sa'id ibn Jubayr من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وقتادة من أئمة السنة كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال. Ça te montre et tu comprends pourquoi Cheikh Saadi il a cité rahmatullah alayh cette mas'ala dans son livre sur les bienfaits de l'islam. أن المشركين أي avant l'islam ils donnaient aucune part aux femmes et aux enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. Pourquoi? Il y en a cette femme à la haqq. Son père, si on prend l'exemple du père qui est décédé, c'est son père. كَذَلِكَ elle l'aime. Comme ce fils qui aime son père, elle, كَذَلِكَ elle aime son père. كَذَلِكَ elle a haqq. C'est sa fille. Donc, مِنَ الْحِكْمَ وَمِنَ الْعَدْلِ وَمِنَ الْحَقْ, c'est que cette femme كذلك على une part. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il a cité, il a démontré, il a cette femme, elle a une part. Nasiban mafrouda. Et on n'a pas le droit d'être injuste envers cette femme ou envers cet enfant. Amma inda al-mushrikin ay fil jahiliya wa ila al-an, annahum, ils donnent aucune part à la femme et aux enfants. Pourquoi? Qala al-shaykh ou l'imam ibn Kathir, فأنزل الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان الآية أي لجميع فيه أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى أي الجميع أي ils ont tous une part. Ça veut pas dire qu'ils ont la même part comme ça y est. لكن c'est tous des enfants de cet homme qui est décédé, donc ils ont une part. Le fils c'est l'enfant de cet homme et la fille كذلك c'est l'enfant de cet homme. قال أي الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في أصل الوراثة أي أنهم ils ont un حق Ils sont tous pareils, fihad. Fi asl al-wirata. Ay, le fils, il mérite une part, et la fille, كذلك. قال وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله تعالى لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أولا ثم par rapport à son lien, le lien de cet enfant avec cette personne qui est décédée, il aura une part. Si c'est un lien zawjiya, maintenant la femme de cet homme, elle aura une part, parce que c'est sa femme. Si c'est un enfant, ça dépend. Si c'est un garçon, il aura une part. Si c'est une fille, elle aura une part. وهكذا. Chacun, il a un haqq. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité fi al-Qur'an al-Karim. Ça nous montre أن الإسلام c'est une rahma pour العالمين. Chacun il a son حق. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه في تفسيره أي عند الآية كذلك كان العرب في الجاهلية من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء. هذا سيد ظلم. Il donnait l'héritage فقط aux hommes, aux adultes. Femmes et enfants, ils n'avaient aucune part. قال لأنهم أي la cause بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب. أي c'est eux, ces hommes, c'est eux que, qui faisaient la guerre pour défendre le pays, pour défendre les biens. C'est eux qui sont au combat, donc il n'y a que eux qui méritent. هذا c'est du vol. Même s'ils ont un mérite, ça ne veut pas dire qu'ils doivent enlever la part d'un autre et être injuste. Al-Islam, al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé ce verset pour démontrer dhulm ha'oula. Même si tu as un haqq, ça ne veut pas dire que l'autre il n'a plus de haqq. Qala, fa'arad al-Rabb, al-Rahim, al-Hakim, an yashra' لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم وقد بين ذلك أي البيان أولا لمجملا كما قلنا في الآية avant de citer les détails. قال مجملا لتتوطن على ذلك النفوس فيأتي التفصيل بعد الإجمال. أولا من حسن الترتيب أولا الإجمال أي الله سبحانه وتعالى إلى ستة le sujet de Al-Miraf, globalement, les hommes, ils ont une part, les femmes, elles ont une part. Thumma, le surat Al-Nusa, après ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il va détailler. Et chacun la part qu'il a. Et cette étude, et les détails, c'est fi kutub al-fiqh, et des rasas, il fi hada fi Al-Miraf. Qala fa yati al-tafsir ba'da al-ijmal, qad tashawwafat lahu al-nufus, wa zalat al-wuhsha. Et ça fait beaucoup de mal au dîn de délaisser les textes et de revenir aux adats. Si elles contredisent ses coutumes, al-adat, c'est la coutume. Si elles contredisent les textes, ça fait du mal au dîn. Les textes ils sont clairs. مثلا, notre sujet, al-mira. Le garçon il a telle part et la fille a telle part. Tu trouves fi ba'di al-amakin, ils ne donnent pas d'importance au texte et ils donnent plus d'importance aux coutumes. Tu trouves واحد منهم مثلا il prétend بكل صراحة أن la femme n'a aucune part. Pourquoi? لأن عندهم c'est comme ça. Et en tant que musulman, لا يجوز له أن يفكر هكذا. En tant que musulman, il n'a pas le droit de raisonner avec ce raisonnement. Et pour lui, la femme n'a pas. Pourquoi? لأن عندهم c'est comme ça. لا. العادة c'est pas من شرع الله. العادة c'est pas من وحي الله. Ça peut être une chose, une coutume et c'est du shirk. Ça peut être une coutume et c'est باطل. فيها ظلم واضح. فسي كتم سير كنتخدز للتكست وندوى عبنيق التكست كما قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المؤمن كي كخوا الله سبحانه وتعالى يكخوا يوم القيامة الجوغ دو ججمع يدوى عبنيق التكست يدلس العتات. قال فقال للرجال نصيب أي قسط وحصة أي لزمزون بار مما ترك أي خلف أي cette personne décédée bien sûr une condition que c'est une personne musulmane مؤمنة على دلسة شيء من المال. قال الوالدان أي الأب والأم والأقربون عموم بعد خصوص. نعم الله سبحانه وتعالى il a cité les parents, لأن en général l'enfant il hérite de ses parents. أو الأقربون, ça peut être quelqu'un, c'est pas son père ou sa mère, c'est un proche, كذلك il a une part. قال عموم بعد خصوص, أي الأقربون c'est plus vaste, c'est plus global que le père et la mère. قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال الشيخ سعدي فكأنه قيل هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة وأن يخرج لهم ما يشاءون. الله سبحانه وتعالى يدمض في هذه الآية أن on fait pas ce qu'on veut في هذه المسألة. C'est pas chacun il prend ce qu'il veut, ou le plus fort il prend le plus, ou celui qui parle il prend et celui qui se tait il a aucune part. Là القسمة على فت الشكة يبخون سطا. قال أو شيئا مقدرا فقال تعالى نصيبا مفروضا. pour fermer les portes قال جل وعلا نصيبا مفروضا, c'est واجب. cette قسمة chacun il a son نصيب أي سطا et c'est مفروض, ça pas le choix في هذا, لأن لو la dernière partie elle aurait pas été citée ربما واحد يقول نعم c'est mieux لكن نحن نتعادى تل شوز. لا فقال الشوى نصيبا مفروضا. قال الشيخ سعدي أي قد قدره العليم الحكيم وسيأتي إن شاء الله تقدير ذلك أيضا وأيضا. فها هنا توهم آخر. الشيخ سعدي يدمونت خلنا التفصيل dans son تفسير il va le faire quand الله سبحانه وتعالى il a cité les versets في التفصيل أي في القسمة في سورة النساء. الشيخ سعدي il a détaillé شيئا ما. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est de démontrer Al-Hikma. Et l'islam s'est fondé sur l'adl. قال وأيضا فها هنا توهم آخر لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير. كذلك نعم, ça c'est استنباط جيد, أن ربما بعضهم il peut prétendre أن si c'est un mal قليل, أي une somme qui n'est pas importante, enfin, les enfants et les femmes, ils n'ont pas de part. Ou l'axe. Si c'est une somme qalila, ils n'ont pas de part. Allah subhanahu wa ta'ala قال مما قل منه أو كثر. Que ce soit une somme importante ou pas, ils ont une part. Donc, al-qisma, c'est par rapport au mal. Si c'est une somme importante, il y aura une qisma. Si c'est une somme qui n'est pas importante, il y aura une qisma. Et un partage. Et chacun, il a son haq. قال الشيخ سعدي فتبارك الله أحسن الحاكمين. et ça nous montre et on répète أن هذا الدين il est fondé sur العدل والإحسان والرحمة. لكن للأسف بعض الناس ils essayent de trouver ou de suivre autre que ce دين pour être heureux. et هذا c'est من الضلال المبين. قد يقول قائل هنا أن en approfondissant le sujet on s'aperçoit que la femme, al-untha, la fille, elle a la moitié de la part d'un homme. فهنا قد يقول قائل وقد قالوا ذلك أعداء الله عز وجل أعداء الله عز وجل. ils disent que c'est pas la justice, c'est du dhulm. pourquoi cette femme, elle a la moitié et sa part c'est la moitié d'un garçon alors qu'elle est au même niveau que lui من حيث القربة, أي c'est l'enfant de cette personne qui est décédée. enfin, pourquoi cette fille elle a la moitié et le garçon il a une part complète. on cite le verset أولا قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ça c'est fait sourate النساء après الإجمال qu'on a cité après le verset global للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون etc. Allah subhanahu wa ta'ala il cite التفصيل et les détails. فأولا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. donc le garçon il a une part complète et la fille elle a la moitié. ou pour mieux comprendre, si ce père il laisse trois enfants, on va simplifier, trois enfants, un garçon et deux filles, enfin, le garçon, il a 50% et les deux filles, elles se partagent les 50 et 25-25. Enfin, قد يقول, comme on a dit, pourquoi? أولاً, المسلم يجب عليه أن يستسلم لأمر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى, c'est le حكيم, c'est le خبير. Et nous, on va citer la حكمة, elle est واضحة. لكن dans certaines choses ربما الحكمة n'est pas ظاهرة فالإنسان المسلم ينتبه أن الشكوك لا تدخل في قلبه لأن أعداء الله عز وجل vont rentrer من هذا الباب. L'importance d'avoir un حسن الظن برب العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré أن le garçon il a une part complète et la fille elle a la moitié. Il y a une حكمة عظيمة qu'on la sache ou non, que tu connais cette حكمة ام لا. Tu dois être à la yaqin anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est arhamur rahim. Et il est injuste envers personne. Hada awwalan. Et ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses. L'importance de connaître sa aqida, l'importance de connaître asma'ullah azza wa jal wa sifatahu. Lianna connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, tu sauras que Allah subhanahu wa ta'ala il est juste. Que Allah subhanahu wa ta'ala il est rahim. Allah subhanahu wa ta'ala il est karim. Il sera jamais injuste jalla wa ala envers cette fille, envers cette femme. L'injustice c'est ma kana alayhi al-kuffar al-mushrikoun fi al-jahiliya et jusqu'à aujourd'hui fi hadha al-bab et fi ghayr. C'est ça l'injustice. Imma ils ne donnent pas la part, imma ils donnent trop et ils sont injustes forcément envers un membre de la famille. Amma l'islam là al-hikma al-an on cite la hikma. قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان قال رحمه الله لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى. Dans ce verset من سورة النساء الله سبحانه وتعالى il n'a pas démontré الحكمة. Il a cité أن le garçon il a telle part, la fille elle a telle part et il a cité les autres membres بالتفصيل. لكن dans un autre verset قال لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة. أي ils sont pareils dans القرابة. أي les relations avec ce mort c'est la fille et le fils. Les deux c'est des enfants. ولكن أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. أولاً تستفيد من هذا l'importance dans un sujet et on le répète souvent l'importance dans un sujet de ne pas se précipiter et de comprendre الأدلة في الباب. Il n'y a pas qu'un دليل لأن من أسباب الانحراف ومن أسباب الفتن c'est de prendre un دليل se précipiter et de délaisser le reste. ربما ta compréhension elle est basée sur ce texte et tu penses qu'il n'y a que ce texte et tu t'égares. Léana, il y a des autres textes qui le montrent. Ne jamais se précipiter. Quand tu étudies une mas'ala akhil kari, awwalan fais une recherche sur l'adilla. Est-ce qu'il y a des versets du Coran? Est-ce qu'il y a des ahadith? Est-ce qu'il y a ijma' fil mas'ala? Thumma, tandur fi aqwal ahl al-ilm. Ça c'est muhim. Thumma, à la fin, tu ressortiras avec un hukm wadih. Mais se précipiter, ربما tu te précipites, tu khalifes un ijma'. La communauté, les ulama, ils sont tous unanimes sur ce sujet. ربما واحد se précipite, il khalif. Léna, il pense qu'il a compris, alors qu'il y a des autres textes qui montrent clairement. Hada, c'est min hada al-bab. Un autre texte qui démontre. Et ce verset, il l'a cité à l'imam Shanqiti, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال الشيخ نعم الشنقيطي ربما جدي السعدي لا الشنقيطي قال لأن القائم على غيره المنفق ما له عليه مترقب للنقص دائما. Et ça c'est important. أن ستم هذا الرجل يرحمك الله هذا الرجل celui القائم على غيره contrairement à la femme. On lit le texte pour comprendre, Akhtar Touman explique, قَالَ لِأَنَّ الْقَائِمْ عَلَى غَيْرِهِ الْمُنْفِقْ مَا لَهُ عَلَيْهِ مُتَرَقِّبٌ لِلنَّقْسِ دَائِمًا. Aïe l'homme. L'homme, en général, c'est lui qui va faire des dépenses. Donc, sa situation, elle va être en baisse d'aïman. Léana, dès qu'il a de l'argent, il doit dépenser pour sa femme, pour ses enfants, etc. قَالَ وَالْمُقَوَّمْ عَلَيْهِ الْمَالِ مُتَرَقِّبٌ لِلزِّيَادَ دَائِمًا. أما celui qui reçoit l'argent et il n'est pas obligé de dépenser, فهذا son argent va augmenter d'aïman. On revient au verset. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Alors, qui c'est qui dépense? C'est l'homme. Qui c'est qui reçoit? C'est la femme. Donc l'homme, en général, son argent, elle va diminuer et la femme, elle va augmenter. L'homme, il doit dépenser et la femme, elle reçoit. Qala wal hikma fi ithar mutaraqqib an-naqs 'ala mutaraqqib az-ziyada jabr li naqsati al-mutaraqqib dhahiratun jiddan. Celui qui médite l'an, celui qui donne, et c'est l'homme. Et celle qui reçoit, c'est la femme. Donc, min hikmatillahi azza wa jal, anna cet homme, vu qu'il a plus de besoins, et celui qui fait les dépenses, fait le qisma, il a une part de plus que la femme. La femme, qabla al-zawaj, elle est inda abiha. Et al-ab, yajib alayhi al-nafaqa ala hadil bint. Donc, quand elle est chez son père, avant de se marier, depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'elle se marie, al-nafaqa ala al-ab. Donc même si elle n'a pas d'argent, c'est son père qui s'occupe d'elle. Après le mariage, si elle se marie, donc c'est l'homme qui doit dépenser. Donc si elle reçoit une part d'héritage, même inférieure à l'homme, elle n'est pas perdante. C'est le mari qui doit s'occuper d'elle. Donc elle va prendre sa part d'héritage et elle n'est pas obligée de dépenser pour son mari. Le mari, même s'il prend une part plus importante, il est obligé de dépenser pour cette femme. Donc, fil haqiqa, il n'y a aucun vol pour celui qui médite. Hada mafhoum. Hada mafhoum. Fal hikma, elle est zahiratun jiddan. Kadhalik, un autre exemple, lianna al-a'da, vous avez remarqué, annahum yurakizun ala al-mar'a. Kathiran. Daiman hum, ils prétendent libérer la femme, les droits de la femme. Et c'est min adlam al-nas al-khubatha. Annahum, leur but hum, c'est que cette femme, ça soit un objet où yatamatta'ouna biha. Dans l'héritage, maintenant, ils vont parler que de la femme. Elle est oppressée, elle est madlouma fil islam. Tu prends l'exemple des enfants et des parents, c'est la même chose. Vous avez remarqué que les enfants, ils ont une part beaucoup plus grande que les parents. On ne va pas dire pourquoi les parents ils sont opprimés. Là, al-hikma elle est zahira. Elle a 7 enfants, il est au début de sa vie. Normalement, il va vivre plus longtemps que ses parents. On dit normalement, l'enfant, il meurt avant le parent. Lakin, normalement, il vit plus longtemps que ses parents, donc il va avoir besoin de mal akthar. Il y en a les parents en général, ils vont être beaucoup plus proches de la fin que cet enfant. Donc, min hikmatillahi azza wa jal, l'enfant, il a une part beaucoup plus grande que les parents. Et ça te montre, dans certains cas, la femme, elle a une part plus grande que l'homme. Donc ça, Ba'd-Nas, ils essayent de faire croire que la femme, elle est opprimée, elle a aucune part là. Dans certains cas, la femme, elle a une part et l'homme, il a rien. Dans une même famille. Tout ça c'est min hikmatillahi azza wa jal. Fal insan yadrus. Al insan la yasma toutes les rumeurs qui sont propagées à tu'unat. Il yadrus lui-même. Et il fait des efforts, il a husnud dhann billahi azza wa jal. Et il sait que hada ad-din il est parfait, il est complet. Inch'Allah, hadihi shubuhat elle trouvera aucune place dans le cœur de ce musulman bi'idnillahi jalla wa ala. Hada un aperçu. Faqat pour démontrer les bienfaits de al هذه القسمة العام في ديننا الحنيف ثم قال on revient au كلام de الشيخ سعدي dans son livre وقال الشيخ سعدي رحمة الله عليه وجعل الشارع للعبد أن يوصي في جهات البر والتقوى بشيء من ماله فيما ينفعه لآخرته وقيد ذلك بالثلوث فأقل لغير وارث cet homme الآن on va قدر أنه il a une maladie grave. Il sent que peut-être que c'est la maladie de sa mort. Il a une certaine somme. S'il meurt, cette somme, elle revient à ses enfants, à ses proches, à ceux qui héritent. Avec, bien sûr, le partage que c'était fait le Coran et fait le Sunna. Cet homme, avant de mourir, il a le droit de faire une wasiya. Il a une partie de ce mal, de cette somme qu'il va délaisser, une partie, yatasaddaq biha. Autre que ses proches. Mettez-le telle somme pour ce voisin, telle somme pour ce pauvre, alors que ce n'est pas ses proches, ils n'ont aucune part dans l'héritage. Fayyajouzoula. Lakin notre din, et ça montre al-hikma wal-adl wal-rahma, c'est que ce don qu'il veut faire, cette donation, elle est limitée. Al-thuluth. Pourquoi? Pour pas que ça fasse du mal aux proches, à ses enfants, etc. Fayyajouzoula. On qu'il délaisse 1 million. Fala yajouz la. qui donne, il fait une wasiya et il dit à ses enfants, dès que je meurs, 1 million, vous les donnez pour construire une mosquée, ou pour tel pauvre, ou pour faire telle chose. La yajuzoula, même si c'est son mal. Pourquoi? Parce que c'est un musulman et il y a des règles à suivre. Il peut donner al-thuluth, le tiers. Plus que le tiers, la yajuzoula. Moins que le tiers, yajuz. La limite, c'est al-thuluth. Wa dalilu على هذا ما جاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حال مرضه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه quand il est tombé malade il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم et سعد il avait de l'argent رضي الله عنه il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم هل يتصدق بثلثي ماله il faut bien différencier entre الصدقة هنا et الميراث الميراث là c'est pour les enfants Et ils se partagent ce que leur père y délaisse. Là, on a c'est as-sadaqa. Autre, pour autre que les enfants. Pour autre que ses proches. Il a demandé au prophète sallam, hal atasaddaq bi thuluthay mali? Est-ce que je peux faire une sadaqa avant de mourir? Les deux tiers de mon argent? Faqala sallallahu alayhi wa sallam, la. Thumma Sa'd lui a demandé, al-shatr. Al-shatr, c'est la moitié, nusf. Al-Nabi sallam, qala la. ثم قال سعد الثلث فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير il lui a dit le tiers نعم et c'est beaucoup حتى ابن عباس رضي الله عنه il préférait donner الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a autorisé le tiers لكن il a dit c'est beaucoup donc ابن عباس il préférait الربع le quart et ce dalil il montre أن الثلث c'est permis لكن c'est le maximum النبي صلى الله عليه وسلم il montre الحكمة قال إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. Et c'est ça la hikma. Hey, vaut mieux que tu laisses cet argent pour tes enfants, que tu donnes cet argent à tel pauvre ou pour faire telle chose, et tu délaisses tes enfants, fuqara, et ils font la manche. Et ça montre hikma de hadith. Donc les enfants, la famille, ils ont une part. Ala kulli hal, nasiban mafrouda. Amma al-thuluth, fa Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé. Il a autorisé cet homme. Lianna, peut-être que cet homme, il a beaucoup d'argent, et il sait qu'une partie, elle va suffire pour ses enfants, et il veut faire un autre khayr. Matalan, construire un masjid, matalan, aider un pauvre qui n'est pas de sa famille, matalan, un ami qu'il avait. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné un haq, al-thuluth. Et le reste, c'est pour la famille. هذا يثبت أن هذا الدين هو كامل. تعلمون أن بعض الكفار المجرمين ربما يزون أموال طائلة مال كثير. ربما avant de mourir il fait une wasiya أن tout cet argent c'est pour son voisin. ويظلم أولاده. Est-ce que si tu réfléchis est-ce que les enfants ils acceptent? أبداً. بل ربما il meurt et ses enfants ils ont de la rancœur envers leur propre père. Pourquoi il a fait ce testament? Il donne tout son argent à son voisin. Wahad al-Mujrim, il a fait un testament, il a donné à son kalb. Na'oud billah. C'est des Mujrimoun, c'est des Majani. Lakin, pour te montrer, si tu t'écartes de ce din, où est-ce que cette personne, elle arrive quand il s'écarte de din? Ba'adouhum, il fait un testament des millions et il les donne à des nas, ils n'ont aucun lien avec lui. Et il laisse ses enfants, et Rupama, ses enfants, ils ont un besoin. Amma notre din, là. Tu veux faire une sadaqa avant de mourir une wasiya al-thuluth le tiers dépasser le tiers là il y a juz. قال الشيخ سعدي رحمه الله on revient au matn لئلا تصير الأمور التي جعلها الله قياما للناس ملعبة يتلاعب بها قاصر العقول والديانة عند انتقالهم من الدنيا. C'est vrai. Il y en a بعضهم ils peuvent dire mais c'est son argent. لكن بعضهم ils ont de l'argent mais c'est des سفهاء. Ils sont limités. Farubama, si cette porte à la voie était ouverte, combien de familles elles auraient subi des injustices? Le père y meurt. Farubama, il a eu un problème juste avant de mourir, avant sa maladie avec sa famille. Il fait un testament pour qu'il ne touche pas un centime. Et alors, c'est du vol. Là, il y a des règles. Al-thuluth. Et al-thuluth, c'est kathir. Kadhalik, ba'dhum, ils ont un tasarruf sayyi. Il ne sait pas gérer. Farubama, avant de mourir, Il donne à tel. Ou Rubama avec la colère, comme on a dit, avec la tristesse, avec les sentiments. Tout ça, walillahi alhamd, Notre dîn nous démontre anna athulut, le tiers, c'est le maximum. قال الشيخ سعدي أما حالهم في حالة صحة الأجسام والعقول فيما يخشونه من الفقر والإفلاس مانع لهم من صرفه فيما يضرهم غالبا. نعم. هذا الذي أردنا ce dixième point sur الميراث l'héritage et كذلك الصدقة أي tu peux donner une partie à autre que tes héritiers الثلث ولله الحمد notre دين إلى ديتايي هذه المسائل بتفصيل جميل نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك